vous nique vos mères la pute, bande de fils de pute. Je suis à Clignancourt, bande de pute. Pourquoi vous venez pas? Venez voir. Vous êtes des salopes, vos mères la pute, je baisse ta mère, fils de pute. Ton père, ta grand-mère, ta femme, je la fais tapiner dans le 9-2 au bois de Boulogne avec Bouba, petit con. Hey, je vous encule vos races, moi. Hey, moi, je m'en bats les cacahuètes. Je m'en bats les couilles du rap. Moi, je fais pas de la musique. Je fais juste pour niquer les keufs, niquer les skins. C'est soit c'est des keufs, soit c'est des skins, soit c'est des balances. Liberté, toxiré, les crânes rasés, skinhead pour l'éternité.